Section numéro 59 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 2e. L'Europe féodale, les croisades, 1095-1270, publié par Ernest Lavisse et Alfred Rambaud. Chapitre 11, quatrième partie. L'Angleterre au XIIIe siècle, par Charles Brémond. L'unité nationale, la loi et la langue. Les deux siècles qui se sont écoulés depuis l'établissement définitif des Normands en Angleterre ont modifié profondément l'aspect social, administratif et politique du pays. Constatons tout d'abord avec quelle rapidité l'antagonisme entre les deux races a disparu. Sous Henri II déjà, les légistes déclaraient qu'il était impossible de distinguer un Anglais d'un Normand, et si la loi d'anglaiserie a subsisté jusque sous Édouard III, c'est qu'elle était pour la couronne une source de revenus. La guerre civile sous Étienne et surtout la centralisation administrative ont hâté cette fusion. Au XIIIe siècle, l'unité était faite dans la loi, ou loi commune, mélange de coutumes particulières aux deux peuples. Elle ne l'était pas encore dans la langue. Le bas peuple ne parlait guère que l'anglais, tandis que le français était exclusivement employé par la noblesse et le haut clergé, à la cour et devant les tribunaux de la couronne. Cependant, il est bon de noter qu'en promulguant les provisions d'Oxford, 1258, Henri III adressa au peuple une sorte de proclamation en anglais que nous avons conservée. D'autre part, certains écrivains commencent à écrire dans ce qu'on peut appeler déjà la langue nationale. C'est, par exemple, le prêtre gallois Layamon ou Lazamon qui traduisit librement le Brut de Wace. C'est encore un certain Robert de Gloucester qui s'appliqua sur le modèle de Layamon à compter en vers anglais les origines fabuleuses de l'Angleterre, en y ajoutant des récits de son cru sur l'histoire de son temps et en particulier sur la guerre civile personnifiée par Simon de Montfort. Ce sont des exceptions, mais elles prouvent à la fois qu'on se préoccupait du peuple et qu'il y avait réellement un peuple anglais. La bourgeoisie, les municipalités et les guildes. Dans ce peuple, deux classes seulement, le clergé et la noblesse, eurent des privilèges politiques et jouèrent un rôle dans les affaires de l'État. Depuis le milieu du XIIe siècle, une troisième apparaît à son tour, celle de la bourgeoisie. À la faveur de l'ordre rétabli par Henri II, les villes s'enrichirent et s'organisèrent. Remarquons que l'Angleterre n'a pas connu le régime communal tel qu'il existait en France, par exemple. Ici, les communes se formèrent pour échapper à la tyrannie de leurs seigneurs et pour exercer à leur profit les droits seigneuriaux. Elles s'ajoutèrent au nombre des pouvoirs locaux plus ou moins autonomes qui morcelaient le territoire. Avec la centralisation établie par les conquérants normands, rien de tel n'était possible en Angleterre. L'oppression venait, non pas des seigneurs, mais du roi, et ce n'était pas en créant des républiques municipales qu'on eût pu lutter contre l'omnipotence royale. Par la force même des choses, les habitants des villes associèrent leurs intérêts à ceux des barons et des prélats. Ils combattirent avec eux et obtinrent, en même temps qu'eux, des privilèges, c'est-à-dire des garanties contre l'arbitraire administratif. Londres et les saints ports de la Manche furent les premiers à bénéficier de cette résistance commune. Dans les villes de moindre importance, l'activité sociale se concentra surtout dans les guildes ou associations de marchands qui, depuis Henri II, prirent un grand essor. D'ordinaire, ces guildes n'avaient point de part à l'administration municipale. Elles avaient pour but essentiel d'assurer aux associés le monopole du commerce de détail dans les villes et de décourager la concurrence étrangère. L'industrie et le commerce. Les deux produits principaux de l'Angleterre, au XIIe et au XIIIe siècle, étaient le blé et la laine. Le blé était en grande partie consommé dans le pays même. La laine faisait au contraire l'objet d'un trafic d'exportation très considérable avec les villes manufacturières de la Flandre, car l'Angleterre ne fabriquait alors que des draps grossiers à l'usage des paysans. Il y avait là une source de richesse que les rois ne manquèrent pas d'exploiter. On a vu que les laines des cisterciens servirent à payer une partie de la rançon de Richard Cœur de Lion. Un droit régulier sur l'exportation fut levé depuis 1266. D'autre part, Simon de Montfort, pour faire impression sur l'esprit des Flamands qui paraissaient disposés à soutenir le roi pendant la guerre civile, interdit l'entrée dans le royaume de tout drap manufacturé à l'étranger, car les Anglais pouvaient se suffire à eux-mêmes. On apportait aussi en grande quantité les vins de Gascogne, et le roi exerçait sur chaque navire un droit de prise qui était de 2 tonneaux pris au pied du mât. Nous touchons ici à l'origine des taxes douanières, customs, qui constitueront désormais un chapitre important du budget des recettes royales. L'importance du commerce était telle que la Grande Charte protégea expressément les marchands étrangers voyageant en Angleterre en temps de paix et que les députés des villes furent appelés au Grand Parlement de 1265. Ces deux faits marquent l'avènement social et politique de la bourgeoisie. Le clergé. La société ecclésiastique subit également la loi qui veut que tout dans le monde se transforme. Le clergé constituait un ordre à part, avec des privilèges que la Grande Charte confirma. Le principal était la liberté des élections canoniques. Quae maxima et magis necessaria reputatur, ecclésiae anglicane. D'autre part, il était étroitement associé à l'État. Les prélats, archevêques et évêques, abbés et prieurs, étaient tenus d'assister au Parlement, à côté des barons et au même titre qu'eux, c'est-à-dire en qualité de vassaux directs de la couronne. Chaque fois que le Parlement était obligé de voter des subsides, le clergé en payait sa bonne part. Mais, en outre, certains lui incombaient à lui tout seul. En 1253, le pape Innocent IV ayant accordé au roi d'Angleterre, pour une croisade où il n'alla jamais, la dîme de tous les revenus ecclésiastiques pendant 3 ans, on dressa une sorte d'inventaire général des biens du clergé, qui servit désormais de base à la perception des taxes de ce genre. Contraint, soit par le roi, soit par le pape, le clergé payait, mais non sans se plaindre. C'est même lui, on l'a vu, qui dirigea l'opposition contre l'arbitraire royal, sous Jean et sous Henri III. Indépendant à l'égard du roi, il le fut aussi bien à l'égard du pape. Il ne cessa de protester contre l'abus des bénéfices conférés à des étrangers, en particulier à des clercs italiens. Il fit porter ses plaintes devant Innocent IV au Concile de Lyon. Sans doute, on a eu tort, en s'appuyant sur des documents dénués d'authenticité, de donner au célèbre évêque de Lincoln, Robert Grosstedt, dans ce concile, une attitude digne d'un précurseur de la Réforme. Mais on n'a qu'à lire la chronique de Matthieu de Paris pour être édifié sur les sentiments du clergé anglais à l'égard de la papauté, quand il s'agissait de son indépendance nationale. Personne ne nous renseigne mieux sur ce caractère exclusif et jaloux, insulaire en un mot, que le moine de Saint-Alban, si curieux, si bien informé et si partial dans ses jugements. Le clergé régulier était nombreux et influent. La plupart des monastères suivaient la règle bénédictine, dont la sévérité se relâcha aux époques troublées. Une première réforme fut opérée au XIIe siècle, et, comme au temps d'Alfred et d'Edgar, c'est de France qu'elle vint. Chartreux, prémontrés, chanoines augustins, cisterciens surtout, firent une fortune rapide. Les templiers et les hospitaliers possédèrent aussi de grands biens. Un seul ordre eut un caractère strictement national, celui des Gilbertins, fondé en 1135 par Gilbert de Sempringham, qui, prenant Fontrevaux pour modèle, institua des monastères d'hommes et de femmes, établis côte à côte et soumis à une direction commune. Avec les richesses, les mœurs se corrompirent. On connaît le mot de Richard Cœur de Lion à un de ses familiers, qui osa lui dire un jour, en lui reprochant ses vices, « Vous avez 3 filles qui vous empêcheront de parvenir au trône de Dieu, l'orgueil, la luxure et l'avarice. » « Je les ai déjà mariées, lui répliqua le roi. La première aux Templiers, la seconde aux moines noirs, de Cluny, et la troisième aux moines blancs, de Citeaux. » Contre ces derniers, Giraud de Barry ne tarit pas d'invectives. Le grand mal était que ces moines vivaient trop pour eux, pas assez pour le monde qui les entourait. Aussi, les frères mendiants et prêcheurs, institués par saint François et par saint Dominique, eurent-ils très vite un prodigieux succès. Les Dominicains, Black Friars, vinrent en Angleterre dès 1221, et les Franciscains, Grace Friars, en 1224. Ils firent d'importantes recrues dans le clergé séculier et favorisèrent le mouvement de réforme politique et sociale dirigé par Simon de Montfort. La philosophie scolastique, les lettres, les arts. Dans cette première renaissance littéraire qui jette tant d'éclats sur le XIIe et le XIIIe siècle, l'Angleterre occupe une place brillante. À la philosophie scolastique, dont Paris était le foyer, elle donna quelques noms justement célèbres. On ne peut dire que saint Anselme lui appartienne, quoiqu'il ait été archevêque de Canterbury, mais Jean de Salisbury est bien à elle. L'auteur du Polycraticus et du Métallogicus fut, à coup sûr, en même temps qu'un des plus savants hommes de son temps, un des esprits les plus fins et un des écrivains les plus élégants. À ce moment, la philosophie était tombée en discrédit parce qu'elle avait été subtile ou téméraire à l'excès, et il sut la railler avec esprit. Au siècle suivant, quand elle se fut retrempée aux sources pures de l'aristotélisme, l'Angleterre produisit Alexandre de Hals, que ses contemporains ont surnommé le docteur irréfutable. Edmund Rich, un des successeurs de saint Anselme sur le siège de Canterbury, 1234-1240, Robert Grosstedt, Guillaume de Sherwood, que d'aucuns plaçaient au-dessus d'Albert le Grand, Roger Bacon, enfin, qui suffirait à lui seul pour illustrer son pays et son siècle. Ces théologiens ont tous fait ou complété leurs études à Paris, mais le temps approche où, sur ce point encore, l'Angleterre pourra se suffire à elle-même, car, depuis le milieu du XIIe siècle, elle a ses écoles à Oxford et, depuis 1209, à Cambridge. Les deux universités s'organisèrent sur le modèle de Paris. Vers 1250, on comptait déjà 15 000 étudiants à Oxford. Ces rapides progrès furent en partie l'œuvre des franciscains, de Robert Grosstedt surtout, qui fonda la première école où l'on ait enseigné la théologie, à Oxford, et à son ami Adam de Marche, qui en occupa le premier la chaire. Alexandre de Hals et Roger Bacon firent une partie de leurs études à cette université. Quant à la littérature proprement dite, elle était encore presque uniquement entre les mains des clercs. Elle n'employait guère l'idiome national, mais le latin ou l'anglo-normand. Elle vivait surtout d'emprunt. De même pour les arts. Le plus noble de tous, et celui que nous connaissons le mieux, l'architecture, reproduit les types romans et gothiques, soit dans les châteaux, soit dans les grandes églises, cathédrales et abbatiales. Henri III a beaucoup fait à cet égard. Il fut un grand bâtisseur. L'abbaye de Westminster a été fondée avec ses libéralités et il dépensa des sommes considérables pour orner d'objets précieux, de peintures, de riches étoffes, ses résidences et les tombes de ses saints préférés. Le nom de l'intendant de ses travaux appartient à l'histoire de l'art. Il s'appelait Edward, fils d'Eudes. Le roi est la Curia Regis. Dans cette nation qui s'avance si ardemment sur la voie de l'émancipation intellectuelle et sociale, l'autorité royale reste prédominante. Sans doute les jurisconsultes, commentateurs de la loi commune, déclarent avec Bracton que la maxime romaine « Quid quid regi placet legis habet vigorem » n'était nullement applicable en Angleterre. Mais ils reconnaissent aussi qu'il ne pourrait y avoir dans le royaume personne de plus grand que le roi, qu'il était au-dessus de la justice ordinaire, que Dieu seul pouvait le punir s'il faisait le mal, et qu'on pouvait uniquement le supplier d'amender ce qu'il avait fait. Si, dans les chartes de 1215-1225, il avait dû reconnaître expressément les droits et privilèges réclamés par la nation, il ne se considérait pas comme lié envers elle. Il avait seul l'initiative et le pouvoir exécutif. En même temps, les organes dont il disposait se perfectionnaient. La Curia Regis se décomposa en trois cours déjà distinctes sous Henri III. 1. Celle de l'échiquier. Scaccarium, exelquer, qui vérifiait les comptes des agents royaux et jugeait en dernier ressort toutes les causes relatives aux revenus du roi. 2. Celle des plaids communs, placita communia, common pleats, qui terminait en général tous les procès, soit en première instance, soit en appel, concernant les particuliers. 3. Enfin, celle du banc du roi, bancum regis, king's bench, qui connaissait de tous autres procès, surtout en matière criminelle. Les juges de cette cour, les juges itinérants, étaient délégués pour surveiller l'administration de la police et de la justice dans les comtés. Leurs tournées furent à peu près annuelles au XIIIe siècle. Sous Henri III, Martin de Petschol et Guillaume de Raleigh s'acquirent dans l'exercice de ces fonctions un juste renom d'application, de savoir et de sévérité. C'est d'après leurs notes d'audience que Bracton a composé en grande partie son remarquable traité, le Bréviaire des juges royaux. Le shérif. Le shérif, agent nommé par le roi et toujours révocable, était pris d'ordinaire dans la petite noblesse du comté même où il exerçait, car il répondait de sa gestion sur ses biens personnels. Ses pouvoirs étaient fort étendus. Il assemblait et présidait la cour du comté. Il y rendait la justice, assisté du jury. Il était l'intendant des domaines royaux, élevait les contributions ordinaires de la royauté. Il commandait la force armée, sauf les vassaux directs de la couronne, qui étaient « summons » par lettre individuelle, à servir auprès du roi. Son autorité n'était pas limitée par l'existence de la cour du comté, sorte de parlement local où siégeait, à côté des prélats et des barons, les représentants élus de la petite noblesse, des bourgeois et même des paysans, car cette cour n'avait autre chose à faire qu'à l'assister dans son œuvre. Elle ne discutait pas ses actes, elle en facilitait l'exécution. Représentant d'un roi presque absolu, il administrait comme s'il avait lui-même le pouvoir absolu. Aussi, plus d'une tentative fut-elle faite au XIIIe siècle pour affaiblir cette autorité. À plusieurs reprises, les barons revendiquèrent, mais en vain, le droit de nommer les shérifs. Pour échapper à leur tyrannie, certains grands seigneurs demandèrent et obtinrent le privilège d'exécuter eux-mêmes dans leurs terres et sur leurs hommes certains actes qui étaient de la compétence des shérifs, comme de vérifier la situation des cautions collectives, visus franchi plegii, ou de recevoir, d'appliquer et de retourner à la chancellerie les ordres du roi. Retornum brevium. Alors, le shérif et ses agents ne pouvaient plus, sauf en cas d'ordre formel, pénétrer sur ces terres privilégiées. Libertates. Enfin, les rois eux-mêmes durent prendre des mesures répressives contre des agents trop puissants et qui confondaient trop aisément leurs bénéfices particuliers avec l'intérêt de l'État. Ils créèrent successivement d'autres agents dont les fonctions empiétaient sur celles des shérifs. Elle les limitait. La perception des impôts extraordinaires fut confiée à des collecteurs spéciaux. L'administration des biens tombés en déshérence ou confisqués, escaète, à des échouateurs. La police correctionnelle et criminelle à des coroners, coronatores, qui étaient chargés de tenir les plaids de la couronne, etc. Le temps approche où le shérif cessera d'être le principal agent du roi dans les comtés. Mais ce n'est pas le XIIIe siècle qui verra cette transformation. Le service du roi. En résumé, la nation entière paraît être faite pour le service du roi. Celui-ci peut toujours imposer les fonctions qu'il veut à qui lui plaît. Il accorde assez volontiers à des particuliers le privilège soit de ne faire jamais partie d'un jury d'enquête ni de jugement, soit de n'être jamais nommé shérif, coroner, forestier, etc. Mais ces exemptions prouvent la règle. Si enfin l'on voulait se faire une idée juste de cette administration rigoureuse, il faudrait évoquer par la pensée cette masse énorme de liasses, de rôles, où, dès les premières années du XIIIe siècle, les actes de la royauté furent transcrits sur parchemin avec une régularité que rien ne vint interrompre pendant toute la durée du Moyen Âge et jusque bien avant dans les temps modernes. Nul autre état de l'Europe n'a tenu d'écriture aussi compliquée, aussi ordonnée. Les archives de l'État anglais attestent éloquemment combien les rois étaient jaloux de leurs droits et avec quelle ponctualité s'accomplissaient les opérations judiciaires et financières les plus menaçantes pour les biens et pour la vie des sujets. Fin de la section 59.